On est de retour, frérot. Aïe, c'est pour tout le Maghreb ça. Twain ça, Maghrebin, Jizayrin, si si, Sades la famille. Hey yo. Bienvenue chez nous, ambiance du bled, ambiance posée, ambiance tagine, couscous entouré de beauté, bronzage nature, machallah, y'a ben des bleds, t'es trop belle en naturel, j'ai du mal à oser parler à mes soeurs, mes frères en mobilette, maintenant c'est des pécanes que ça lève, jusqu'à la goulette, t'as sorti les doigts, tiep tongue, au bord de la plage, certains sortent les palettes, bébine, mais j'suis à l'arrache, ah bon, chez nous on ne dit pas que wesh wesh, on dit lélé la rosa, j'ai des plèches plèches, on a pas que les chameaux, on a le soleil aussi, 40 degrés dans la tête, ça te oublier la désir, oh. Les rebeux sortent les lunettes, les beux arrêtent, font les reines. Et moi je me balade avec mon Zeyo. Kastrouchi, Hichem, je suis l'enfant de mon pays. Kepsida, Hortun, c'est qui m'a balti. C'est la signature de mon pays. Mes origines me collent comme un soldat, j'porte le tri. La bulle m'a fait confiance, alors je lui dis viens on y va. Yoni a posé les billes, addictive on fait les bails. J'porte les chemisettes beau gosse, malgré les reines qui partent. J'ai du sang, j'ai serré, moi j'ai bien la cote tout bas. Quand tu me vois, dis machallah, on dirait que j'ai 20 ans. Dans 4 ans, j'en ai 40 et j'ai un magnifique enfant. La magie est dans les gènes, j'aime te le rappeler. À quoi ça sert que l'aucune gêne, tu veux m'achever. Ramène le imam qu'on fasse pipi pipi. Tu verras, je vais assumer, j'en ai dans slip, slip, slip. Quand on se le dit, je veux une femme en hijab. Et si tu la touches, te couche en pichenette. Quand on se le dit, je veux une femme en hijab. Et si tu la touches, te couche en pichenette. C'est le Maghreb, je vais devenir fétichiste tellement t'arrives pas à leur yeb. Quand elle danse, elle me rend dingue. Après le hammam, ça fait bang. Et nos grand-mères, grand-père, c'est plus que du bonheur. Chaque été, y'a mariage où la maman, elle est en pleurs. Direction Pen Garden, on achète le roro. Ma princesse, t'es devenue reine et on va faire ton bonheur. Les Arabes, ce n'est pas que des voleurs, pas que des briseurs de cœur. On cache à Aladdin sous nos lueurs de peur. Génie, que peux-tu faire de moi un prince? Accord des jasmines, on ferme ma fleur. Yeah, ben de bled, y'a hobini, oh. Ben de samahni, galbini.